La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver au troisième jour de notre semaine consacrée aux grandes séries télévisées qui ont marqué l'histoire de ce genre. Nous parlons aujourd'hui de Six Feet Under, dans une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Traveglichanal et Emmanuel Morse-Duncan. Les séries télévisées ont repris la forme un peu oubliée des feuilletons littéraires du 19e siècle dans la manière addictive dont on les regarde les unes après les autres, à la différence près qu'elles se sont déployées en phase avec une époque davantage tournée vers l'individu et la recherche du bonheur, ce qui a produit des œuvres qui sont avant tout des miroirs psychologiques de notre 21e siècle. C'est le cas des Sopranos, que l'on considère bien souvent comme la première dans ce genre et dont nous avons commencé à parler lundi dernier avec Florent Loulandeau dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Puis mardi, c'est Emmanuel Burdeau qui a continué d'analyser pour nous les Sopranos et en particulier la représentation qu'on y donne de la mafia, une mafia dont les membres ont une vie bien souvent banale et empreinte de solitude, moins grandiose en tous les cas que les personnages du parrain que pourtant ils rêveraient d'être. Enfin, demain, nous parlerons des séquences de rêves très nombreuses dans les séries et de ce qu'elles peuvent représenter. Ce sera avec Sarah Atuel en première partie d'une émission qui s'achèvera sur la question du temps dans Six Feet Under. Jean-Pierre Eskenazi nous en parlera. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour présenter les grands thèmes et les enjeux de cette série Six Feet Under, nous sommes avec l'écrivain et philosophe Tristan Garcia. Il est l'auteur de romans comme Faber le Destructeur, publié chez Gallimard en 2013, mais aussi de nouvelles comme le recueil 7, paru en 2015. Puis en tant que philosophe, il est l'auteur d'un essai de référence, Forme et objet, un traité des choses, publié dans la collection métaphysique des Puffs en 2011. Et c'est aussi en philosophe qu'il a signé l'essai Six Feet Under, Nos vies sans destin, paru dans la collection Série des presses universitaires de France. C'était en 2012. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. David, David. It's gonna be okay. It just takes time. I've done a terrible, terrible thing. What? I've done a terrible thing. How's she doing? She's fine. I'm not fine. I'm a whore. I was unfaithful to your father for years. And now he knows. He knows. Oh. I met a man at church once when your father didn't come with me. And he invited me for coffee. Alors ce qu'on entend ici, c'est la voix du personnage de Ruth, joué par Frances Conroy, la mère de la famille Fisher, qui révèle à ses enfants, un petit peu après la mort de son mari, qu'elle a été une femme infidèle avec le coiffeur du quartier. Et elle s'en veut terriblement, d'autant plus que pense-t-elle, eh bien maintenant son mari est au courant, puisqu'il peut la voir du ciel. Bonjour Tristan Garcia. Bonjour. Alors ce personnage de Ruth, que ressentez-vous à son endroit? De la tendresse, de l'agacement, de l'intérêt peut-être? Oui, n'importe quel spectateur de Six Feet Under a aimé profondément ce personnage, qui est une mère inoubliable, qui est un personnage qui, au fond, est construit de très belle manière, un peu par un effet de symétrie entre la première et la dernière saison, par le fait que chaque fois qu'en tant que femme, elle essaye de s'épanouir ou de jouir, de trouver sa liberté, elle perd l'homme le plus important dans sa vie. Elle perd au début de la série Nathaniel Senior, son mari, et elle perd à la fin de la série Nathaniel Junior, son fils. De toute façon, ces personnages ne peuvent pas nous laisser indifférents. On se sent toujours très proche d'eux. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Et j'imagine que c'est aussi votre sentiment, puisque c'est une série, vous l'avez dit, qui vous a appris à pleurer. Oui, alors peut-être qu'il faut revenir un petit peu, comme il faut toujours le faire avec les séries, vers le contexte de production et de diffusion de cette série. aussi étonnant que ça puisse paraître pour ceux qui ont aimé cette série, ça fait maintenant 18 ans qu'elle a commencé, donc ça fait longtemps. Quand Six Feet Under apparaît, c'est au fond le tout début de ce qu'on a appelé depuis la quality television, la télévision de qualité aux États-Unis, qui naît sur des réseaux payants, hein, donc c'est sur la chaîne HBO. Et c'est une série dont le destin est d'emblée marqué, me semble-t-il, par le fait de se trouver entre deux. C'est une série toujours du milieu ou de l'entre-deux. Elle est entre deux énormes monstres. Elle arrive un an après Les Sopranos, qui va devenir la plus grande série, la série la plus populaire sur les networks américains, et The Wire, qui va devenir la série la plus célébrée par les intellectuels, par les critiques de toute l'histoire de la série. Et entre deux, elle fait partie d'une sorte de sainte trilogie de la grande télévision, qui a pour vocation, je crois, à la fin des années 90, de s'intéresser pour la première fois aux gens qui travaillent. Ça a été le coup de génie de HBO. Auparavant, la télévision américaine produisait des séries qui, pour la plupart, à part Dallas par exemple, étaient diffusées l'après-midi. C'était donc vu essentiellement par les femmes au foyer, par les collégiens, les lycéens. C'était un divertissement puéril, etc. Et puis HBO, qui est une chaîne qui a fait fortune avec les droits sportifs, s'est mis à produire de la fiction, et à produire de la fiction le soir. Après Canal+, le modèle de Canal+. Voilà, c'était un des modèles, en effet, de Canal+, avec un système d'abonnés qui lui permettait, par exemple, de payer des amendes chaque fois que les personnages disaient « fuck », ce qui a permis une sorte de libéralisation du langage. Donc c'est un processus industriel qui fait qu'ils se sont, afin d'attirer les gens qui travaillaient, pour leur montrer le soir quelque chose, ils se sont mis à s'intéresser au travail. Et donc, on a eu des séries où les personnages non plus avaient une fonction symbolique, étaient des médecins ou des avocats, mais qui ne travaillaient jamais, mais des personnages qui travaillaient réellement, qui étaient insérés dans la société. Et le coup de génie de Six Feet Under, c'est de s'intéresser à des gens dont, pour reprendre un titre célèbre, la mort est le métier. À une famille de croque-morts, à une famille qui travaille, et son point d'insertion dans la société, c'est qu'il voit passer le monde entier, toutes les classes sociales, tous les genres, tous les âges, à partir du moment où les gens meurent. Mmh. Ils ont affaire, depuis leur cellule familiale, à une sorte de défilé de la société, et les gens viennent les voir à chaque fois qu'ils ont perdu quelqu'un. Mais l'autre point par lequel cette série, me semble-t-il, a toujours été entre deux, c'est que, donc d'abord, il faut se rappeler, quand on essaye de revenir au début de cette série, que c'est une série qui n'a jamais eu beaucoup de succès. C'est une Malgré série ce indépendante. Qu'on croit maintenant rétrospectivement. Oui, c'est pas Les Sopranos. Hein. C'est une série qui a toujours eu beaucoup, beaucoup moins de téléspectateurs. C'est une série indépendante et c'est une série aussi socialement qui s'intéressait aux classes moyennes, profondément, qui voit le monde à partir des classes moyennes. Alors que The Wire, par exemple, va s'intéresser au bas de l'échelle de la société, à la rue, et que Les Sopranos va s'intéresser aux nouveaux riches, aux parvenus, à ceux qui, de tout en bas, sont parvenus en haut de la société américaine. Six Feet Under va toujours s'intéresser à ceux qui sont au milieu. Et d'une certaine façon, tant avec Les Sopranos qu'avec The Wire, on est un peu dans l'épopée encore. Alors que dans Six Feet Under, on est vraiment dans le quotidien. Le modèle est très différent. Même le modèle cinématographique d'Alan Ball, qui est le créateur, puis de toutes les showrunneuses, hein, ce sont essentiellement des femmes qui s'en sont occupées, comme Kathy Robinson. Leur modèle est, me semble-t-il, hein, dans ce qu'on lit dans leurs interviews, soit le roman psychologique européen, russe essentiellement, mais aussi français, Balzac, Maupassant. Soit le cinéma italien, le grand cinéma italien, vous voyez, de l'après-guerre, soit enfin, disons, le cinéma européen psychologique, Bergman par exemple. Il y a, pour ceux qui se souviennent de Six Feet Under, il y a d'innombrables scènes de cuisine, des engueulades de cuisine, etc., et qui sont très fortement inspirées, hein, ceux qui ont fait la série le disent, par les scènes bergmaniennes. Donc on passe de l'épopée, ou du modèle du film de mafia, hein, par exemple, ou du cinéma populaire pour Les Sopranos, ou du modèle de la rue pour The Wire, hein, du gang, à, disons, tout un héritage beaucoup plus européen dans Six Feet Under, qui vient du cinéma réaliste, du cinéma indépendant et de la littérature psychologique. Mais alors là, Tristan Garcia, vous ne nous avez toujours pas répondu à la question, en quoi c'est une série qui vous a appris à pleurer ? C'est une série énormément lacrymale. Pas tant de gens que ça l'ont vu, mais je pense que tous les gens qui l'ont vu à travers un rideau de larmes à la fin. Ceux qui sont arrivés à la fin ont forcément pleuré, ou alors il faut vraiment un corps de pierre. Je sais pas, ça me semble impossible d'arriver aux deux tiers de la saison 5 à peu près, sans être noyé dans les larmes. C'est une série qui accompagnait aussi, il me semble, à la fin des années 90, au début des années 2000, dans plein de champs de la société, et même chez les intellectuels, dans la recherche, le retour des émotions. Hein, le fait de rompre, de sortir un peu, disons, d'un XXe siècle froid, constructiviste, distancié, presque brechtien, qui se méfiait des émotions, du pathos, du fait d'être manipulé par ses larmes. Hein, on avait l'impression qu'il y avait juste des poches de résistance, on pouvait aimer les mélodrames au XXe siècle, mais c'était compliqué. On se méfiait de la puissance idéologique du mélodrame. Six Feet Under n'est pas un mélodrame, mais c'est une œuvre gigantesque, hein, avec des dizaines d'heures, qui prend pour matériaux nos affects. Nos affects, nos émotions, les affects et les émotions d'une famille qui sont censées être là pour nous représenter, les Fisher. Et pour ça, il me semble que la série, moi, m'a appris à sortir, disons, d'une sorte de méfiance très 20e siècle à l'égard du pathos, où elle m'a appris que les larmes n'étaient pas forcément le pathos. Mais il n'y a pas aussi quelque chose de la famille californienne qui est peut-être devenue, 18 ans après, aussi davantage la famille française qui est montrée là ? Oui, alors c'est toujours le risque, j'ai toujours peur en revoyant Six Feet Under, que ce soit daté, que ça se soit éloigné de moi, éloigné de nous, c'est-à-dire qu'on s'aperçoive qu'au fond ça représente une sorte de vie californienne moyenne qui ne nous concerne pas tant. Il me semble qu'il y a quand même une puissance universelle dans Six Feet Under qui fait que, à partir de cette famille particulière, ils arrivent à parler de toutes les classes moyennes dans le monde. Et la série n'est pas si américaine que ça. Elle me semble encore un petit peu datée, par exemple, sur la musique. Le choix des chansons, c'est du rock indé, hein, du début des années 2000, qui est parfois un petit peu lourd, un petit peu marqué. Mais sinon, je crois qu'elle arrive à tenir la puissance d'une grande œuvre théâtrale, par exemple, hein, qui peut se jouer n'importe où et n'importe quand. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de la série Six Feet Under avec vous, Tristan Garcia. Vous avez prononcé le mot de indépendant pour parler de la musique indépendant, c'est-à-dire indie, et vous faites un développement dans votre livre justement sur ce que c'est que l'esthétique indie. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer d'abord ce que c'est et ensuite nous dire en quoi ça s'applique très bien à cette série Six Feet Under? Le caractère indé de la série est à l'image de celui qui était censé être son personnage principal, qui est Nate, hein, qui commence la série en étant à Seattle. Il est parti de la famille, et Seattle, pour beaucoup de gens dans les années 90, représentait la ville, disons, du rock indépendant américain. C'est la ville dont vient Nirvana, dont vient Kurt Cobain, une ville du nord un petit peu plombée par la pluie, mais dans laquelle des jeunes gens se sont opposés, disons, à l'Amérique de Reagan, au libéralisme triomphant des années 80, et ont essayé, avec leur guitare, dans des coopératives, parfois en devenant végétariens, en étant opposés au patriarcat, à la domination masculine, en étant déjà opposés au spécisme, hein, en étant parfois vegan. Il y a toute une constellation comme ça d'opposition, de résistance qui était une résistance politique à partir des années 80 dans le monde, disons, indé, qui était une résistance individuelle, qui n'était pas une résistance collective. Vous voyez, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas vraiment d'association. Et on le voit bien, le personnage de Nate dans Six Feet Under est un individu assez solitaire, hein. Aucun des personnages ne s'engage vraiment collectivement. Le frère, David, un petit peu à l'église. Mais sinon, on a affaire à des individus atomisés, qui sont les résultats du libéralisme américain, mais qui essayent de protester contre le libéralisme. Et ils essayent de protester individuellement, en vivant autrement. Et il y a là quelque chose de cette esthétique indé américaine typique de l'héritage des années 80. Et c'est aussi une série qui hérite de ça dans son fond politique. Hein. C'est une des séries qui va, la première, proposer une représentation qui n'est pas caricaturale de l'homosexualité, du personnage de David. C'est une série dans laquelle déjà la question, disons, de l'intersectionnalité, hein, par exemple entre la race et la classe sociale, affleure, avec le personnage de Rico, qui est un émigré portoricain, qui travaille pour la famille Fisher, qui se plaint toujours de son traitement, du fait qu'il n'est jamais vraiment considéré comme quelqu'un comme les autres. Et mais qui va finir très riche. Oui, il ne faut pas forcément le dire, mais quelque chose que je trouve beau dans la série, par exemple, c'est que dans la saison 1, Rico ne fait pas partie des personnages principaux. Quand vous regardez le générique, en fait, il n'est pas parmi les noms de la famille Fisher. Quand vous regardez la saison 5, il a accédé au rang de personnage principal. Et je crois que c'est caractéristique de cette série, qui est très soucieuse d'émancipation et de traiter également les individus dans leurs différences raciales, sexuelles ou de classe sociale. Mais alors du coup, est-ce que c'est une série qu'on peut qualifier de féministe, par exemple ? Est-ce que c'est une série qui, politiquement, est engagée pour les minorités, pour la défense finalement des droits des minorités ? Non, je crois que c'est là où on voit que l'époque a changé. Si Six Feet Under se faisait probablement avec les mêmes personnes aujourd'hui, ça serait une série engagée, ça serait une série féministe ou ça serait une série décoloniale. C'est pas le cas. C'est une série dans laquelle affleurent ces questions, mais à travers des individus. On voit qu'on est dans une autre époque. Vous voyez, on n'est pas dans l'époque aujourd'hui qui est celle de, disons, de la passion du particulier, hein, qui est liée à la politique des identités raciales, sociales ou au gender. On est dans un moment encore, on a encore un pied dans le XXe siècle avec Six Feet Under, où le héros de l'histoire, c'est l'individu. Et donc, c'est à travers des individus singuliers, David, Nate, Rico, Claire, Ruth, la mère, que vont se jouer les conflits entre l'âge, la génération, la classe sociale, la sexualité, la race, etc. Mais tout se joue toujours dans les individus, au sein des individus, de leurs affects. Donc ce sont des individus qui souhaitent rester eux-mêmes, qui souhaitent même être davantage eux-mêmes, mais en accord avec les autres, avec ceux qui les entourent. Et c'est précisément tout l'intérêt, tout l'un des intérêts de cette série, que de mettre en regard cette individualité qui doit être totalement souveraine et en même temps cet immense besoin d'amour, tout simplement, Tristan Garcia. Oui, tous les individus de Six Feet Under cherchent une sorte de formule pour bien vivre. Ils cherchent comment bien vivre. Mais bien vivre n'est pas avoir le confort matériel que promet la société américaine de l'époque. Bien vivre est ici beaucoup plus lié à une recherche éthique qui va jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque de Six Feet Under le perfectionnisme moral, par exemple. Les individus essayent de se perfectionner, ils essayent d'être meilleurs, et ils se demandent ce qu'est la vie bonne, pour eux et pour les autres. Et Ils sont éthiques en cela, d'une certaine façon. Oui, ils sont éthiques, et la série est éthique et non pas morale, et pas moralisatrice. La série, d'ailleurs, ne se demande jamais, au fond, ce qui est bien ou ce qui est mal. Elle se demande comment bien faire, comment bien vivre. Et il me semble que ce qui caractérise la série, et ce qui est très beau, et ce qu'ont trouvé les showrunners petit à petit, c'est la manière dont, de saison en saison, c'est chaque fois un personnage différent qui a la clé, qui sait comment vivre. Il y a des saisons où David est complètement déboussolé. Il ne sait plus comment vivre, tout simplement. Et Nate semble avoir trouvé un équilibre. À d'autres moments, Nate ne sait plus du tout comment vivre. Désespéré, d'ailleurs, il va toujours chercher le sens de la vie auprès de femmes, qui souvent représentent une sorte de spiritualité pour lui. On pense à la rabbine, par exemple, on pense à la fille de George, comme ça, qui sont des sortes de figures auprès desquelles il va et qu'il aime, en espérant que les femmes lui disent comment il faut vivre, quel est le sens de... Il ne le trouvera jamais, ce sens de la vie. Et de ce point de vue, c'est... Aucun ne le trouve en réalité. Non. Sauf à de courts moments, c'est ce que vous voilà. dites. Voilà, c'est toujours temporaire. C'est ça, au fond, le sens de la série. C'est qu'on a une sorte de chaîne par laquelle, régulièrement, un groupe d'individus, familiaux, est désorienté, puis orienté, puis de nouveau désorienté, trouve une sorte de sens de la vie, mais ça dure quelques années, quelques mois, et puis le perd, et puis le retrouve. Et aucun ne trouve de sens définitif. Et c'est lié à la structure même de la série, qui s'arrête toujours au seuil de la mort. C'est une série qui est empreinte de religiosité. Beaucoup de personnages sont religieux, sont portés par une sorte de foi, mais qui ne montre jamais l'au-delà, parce que la vérité de la vie, qui se trouve hors de la vie, qui se trouve après la vie, ne sera jamais montrée. Et à chaque fois, c'est signifié dans la série par le fondu au blanc, qui montre qu'un personnage sort de la vie, sort de la série, et trouve peut-être le sens, mais le sens n'apparaîtra jamais dans la série elle-même, dans l'œuvre elle-même. Alors je voudrais vous faire écouter, Tristan Garcia, un extrait d'une conversation entre le personnage de Claire et son frère homosexuel David, et vous allez nous commenter cet extrait. You jumped on him? I couldn't stop myself. What did he do? Put me down and sat on me. I was like a mosquito to him. It was humiliating. I have to get control of myself. No, David, if you're any more controlled, you'd be a sculpture. Tu lui as sauté dessus à ce mec? Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a eu une réaction violente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a repoussé, il s'est assis sur moi, j'avais l'impression d'être une mouche, ça m'a humilié. Oh, faut que j'apprenne à me maîtriser. Non, David, si tu te maîtrises plus, tu seras une statue. Tu sais quoi? Cette nuit, j'ai vécu une expérience homosexuelle humiliante de mon côté. Non, sérieux? Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, je n'ai même pas fait un féminette. Pas besoin d'aller plus loin. Oh, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Ça m'énerve prodigieusement. Ce serait plus facile d'être lesbienne. Tu te trompes. Mais si, je ferais au moins partie d'un groupe bien défini. C'est surfait. Nous sommes des femmes toutes les deux. Je devrais donc pouvoir deviner ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent. Non, pas nécessairement. Et je ne serais pas confrontée à un organe sexuel inconnu. Ils te sont tous inconnus, à l'exception du tien, bien sûr. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, il faut oublier le petit côté Dallas du doublage pour revenir à ce que disent les personnages. Qu'est-ce qu'ils disent finalement ces personnages, Tristan Garcia? Alors, en français, on perd un peu ce qu'on appelle le vocal fry, typique américain, californien, cette espèce de grésillement de la voix de David et de Claire. Qui est un peu affecté d'ailleurs. Qui sonne un peu affecté, qui est un trait d'époque, hein, ça sonne très début des années 2000. Cet échange entre David et Claire, qui sont donc frères et sœurs, et David est homosexuel et sorti du placard, assume son homosexualité, alors que Claire, c'est une passade, hein, elle aura simplement une aventure avec une camarade, parce qu'elle est désorientée et qu'elle ne sait pas très bien qui aimer. Elle est très très représentative de l'éthique de la série et de la vision du monde de la série. Je le disais, il me semble que c'est une série qui a un pied dans le XXe siècle, un pied dans le XXIe siècle. Le pied qu'elle a dans le XXe siècle, c'est le fait de penser que le monde est ultimement constitué d'individus, qui sont des atomes. Et pour cette raison, c'est ce que dit David à Claire, il n'y a pas d'identité sexuelle, de groupe, il n'y a pas de communauté. Pourtant, il n'y a pas de différence. Dans la communauté même. Gay, très clairement, ce personnage de David. Pas vraiment, quand on y pense. D'ailleurs, David, comme tous les personnages... Il va à la chorale gay, il fait des fêtes avec des amis homosexuels, il se colle dans le dos des étiquettes où ils doivent deviner quelles femmes ils sont, etc., etc. Oui, mais le seul sens qu'il trouvera à son existence, c'est le couple avec Keith, c'est l'amour. L'appartenance, soit à l'église, soit à des groupes gays, ou à un moment, je me souviens, il va faire du paintball pour essayer de s'intégrer. Et c'est une des obsessions de David. David essaye de s'intégrer pendant que son frère, Nate, le grand frère, lui, essaye de trouver le sens absolu de la vie, comme je le disais, à travers des femmes, voilà. David, lui, essaye de s'intégrer avec les autres hommes. Il essaye de rentrer dans des groupes. Mais il me semble qu'il n'y croit jamais vraiment. Ça ne marche jamais vraiment, quasiment à chaque saison, en fait, il est déçu par son intégration à un groupe. Et donc, il me semble que ça dit bien la part très 20e siècle de la série, qui est que, comme le dit David à Claire, il n'y a pas en fait d'identité homosexuelle ou hétérosexuelle, parce que tout est hétérosexualité en ce sens que, à partir du moment où il y a sexualité avec quelqu'un d'autre, le sexe de l'autre n'est pas notre propre sexe. Donc ça dit quoi du rapport à la communauté, au communautarisme ? Ben, en l'entendant maintenant, ça me paraît presque comme un souvenir déjà lointain d'une époque où le monde n'était pas structuré par des identités particulières, mais par des identités singulières. Identité singulière, individuelle. Il y a des individus et chacun est différent. Et nous sommes tous différents les uns des autres. Et en nous aimant, ben, c'est un individu qui rencontre un autre individu. Vous voyez, toute sorte de monde qui est tissé de différences et de différences singulières. Et la série dit en quelque manière adieu à ce monde-là et à un autre pied dans le monde du XXIe siècle où les individus se classent, s'ordonnent par des identités particulières, par des appartenances sexuelles, raciales, générationnelles. Et c'est assez beau avec le recul de voir que cette série était à la fois peut-être l'automne d'un XXe siècle de l'individu, du pur individu, et le printemps d'un XXIe siècle des identités, des particularités, des groupes. Et dans le rapport à l'histoire, on est encore dans le XXe siècle ou on est plutôt dans le XXIe siècle? Parce que l'histoire n'est pas très présente dans cette série. L'actualité ne vient pas tellement percuter la narration. Non, on n'est pas du tout à la Maison Blanche, par exemple, hein, à la même époque. On n'est pas du tout dans une série où régulièrement interviendrait même à la télévision, aux informations, un rappel à l'ordre du monde extérieur. Je crois là aussi qu'on a affaire à une série des classes moyennes, c'est-à-dire du rêve forgé au XXe siècle de se construire une sorte de petit havre à l'écart du monde, des vicissitudes de l'histoire. Et de se construire un petit monde, un foyer, une domesticité où on échapperait à la violence. Et la violence, c'est aussi un peu bourgeois ou petit bourgeois. C'est pas une série bourgeoise, vraiment. Je ne pense pas. Je pense que c'est une série de classe moyenne. Vraiment. C'est une série qui est hantée par le moyen, d'ailleurs, qui est hantée par le milieu. Tous les personnages, d'ailleurs, passent leur temps, surtout Nate, hein, à essayer de comprendre tout le monde. Ce qui est typique des classes moyennes, hein. Essayer de dire, de tenir par les deux mains, des en amis, même temps. Sans cesse, de comprendre. Exactement, c'est une série du en même temps. C'est quand même pas une série macronienne, attention. Il me semble que la série n'est pas bourgeoise parce que en plus les personnages veulent sans cesse, et ce sont pas des velléités, vivre autrement. Ou sont hantés par la spiritualité. Vous voyez, on n'a pas du tout affaire à une galaxie de Homais ou de personnages de Flaubert. Et en plus, ils ne sont pas, il n'y a pas de rapport satirique à leur vie. Hein. C'est pas une vie confortable qu'ils ont. C'est une vie, au contraire, spirituellement tout le temps inconfortable. Mmh. Et ces personnages de classe moyenne, un peu perdus au milieu de la société, ils sont, je crois qu'ils ont un pied dans un siècle, un pied dans l'autre, et on peut les voir, même si on s'éloigne déjà d'eux, je crois qu'ils sont encore émouvants pour nous. Alors, comment retrouver du sens? C'est un peu la question que semblent se poser tous les personnages de cette série. Vous expliquez qu'il y a trois manières pour ces personnages de retrouver du sens, c'est le savoir, l'art ou le religieux. Et le personnage de Brenda, elle est plutôt justement dans le savoir et en particulier dans la psychologie, comme on l'entend ici dans cet extrait où elle est avec sa mère. Is Richard Brohm teaching here? Yeah, my cognitive psych class. You don't believe in all that cognitive crap, do you? You have to dig through the past. Just knowing where behavior comes from doesn't change the behavior. Doesn't change anything, except know where the behavior comes from. Now, Ricky Brohm has a most unusually shiny penis. I went on this retreat with him, and when he'd get out of the hot tub, the water would just bead up on his schlong. Est-ce que Richard Brohm enseigne ici? Oui, la psychologie cognitive, je suis ses cours. Oh, pas cette connerie cognitive, non, pas toi, voyons. Il vaut mieux creuser et aller voir dans le passé. Ce n'est pas parce que tu sais d'où vient ton comportement que ça va changer ta manière de voir, ça ne change rien. Tu sais seulement d'où vient ce comportement. Tu sais, Richard Brohm a un pénis très original et très brillant. Je suis allée faire une retraite avec lui. Et quand il sortait du jacuzzi, ce type, les gouttes d'eau perlaient le long de sa queue. Est-ce que tu penses qu'il y mettait de l'huile? Je l'ignore, maman, et je m'en fiche. C'est un excellent enseignant. C'est un exhibitionniste et un idiot. C'est peut-être toi qui devrais nous faire la classe. Ici? Non, merci, chérie, je ne suis pas dingue à ce point. Tu as tort de le prendre comme ça, c'est un excellent programme. Peu importe où tu feras ta formation, ma chérie, de toute façon, tu seras une fantastique thérapeute. Tu as vraiment cette compréhension mystérieuse de la dynamique interpersonnelle. Tu l'as toujours eue. Tu as seulement un problème pour appliquer ces principes à ta propre vie. Mais c'est si souvent le cas. Je me demandais quand l'insulte allait arriver. Allons, tu sais bien qu'on est pareil toutes les deux. Ne suis-je pas la pire des détraqués? Voilà, la famille de Brenda, c'est une famille de psychologues, de psychiatres. Ils cherchent dans la connaissance de la psyché humaine, une réponse, un sens à donner à la vie. Et Brenda, c'est la femme, Tristan Garcia, qui réfléchit presque un peu trop à tout ça. Brenda est mon personnage préféré de Six Feet Under. Je trouve que c'est un personnage magnifique. C'est un personnage qu'on voudrait presque tuer, qui, dans la saison 2, par exemple, est tellement énervant. Elle est dans une sorte de crise existentielle qu'elle en devient insupportable. Elle tente tout ce qu'elle peut tenter, la drogue, les hommes, les femmes. Elle est littéralement insupportable. Elle apparaît à l'écran, on n'en peut plus. Et elle se transforme à la fin de la saison 5. Elle devient une sorte de madone qui... Même son visage, en fait, pourrait rappeler des tableaux florentins de la Renaissance, tout amour pour deux enfants qui ne sont pas elle et qu'elle va reprendre, qu'elle va éduquer. Là, dans l'extrait qu'on a entendu, Brenda discute avec sa mère, qui est qui est un des personnages les plus drôles et en même temps les plus odieux de la série. Et autant Rousse peut représenter, peut résonner avec l'amour infini qu'on peut avoir pour sa mère, autant, la mère de Brenda est l'exemple de la mère qu'on ne voudrait pas avoir. Et pourtant, elle a laissé à ses enfants entière liberté, et c'est justement là-dessus oui. qu'elle base toute son éducation de psychologue. C'est la mauvaise mère, c'est la mère qui croit savoir et qui en fait impose une sorte de tyrannie de la liberté issue des années 60, d'une grande bourgeoise. Ce qui est intéressant, c'est que Brenda fait partie, il me semble, des trois personnages dans la série, avec Nate et avec Claire, qui font l'expérience justement du sens possible de la vie dont vous parliez. Brenda le cherche dans le savoir, dans la connaissance, Nate le cherche dans la spiritualité, dans la religion, et Claire dans l'art. Tous sont déçus, parce que tous s'aperçoivent que s'il y a une sorte de vérité dans l'art, dans la religion, dans la connaissance, qui est décevant, c'est que la vérité peut avoir sur la vie intime des effets de mensonge, des effets de fausseté. C'est ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que dans la scène entre Brenda et sa mère, Brenda est en fait en train de reprendre des études à l'université. Ça va mal se finir parce que Brenda s'aperçoit que, à mesure qu'elle reprend des études et qu'elle découvre la vérité en psychologie, qu'elle progresse dans la connaissance de la vérité sur le monde, elle devient de plus en plus fausse. Elle se met à mentir, elle trompe l'homme qu'elle aime, etc. Et elle découvre donc qu'il y a une sorte de disjonction pragmatique entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Et de ce que l'on sait de vrai, on peut faire des choses fausses, on peut faire des choses affreuses. C'est vraiment une des leçons de la série. Et Claire va faire la même expérience en art, où elle va en école d'art, et elle rencontre en fait des artistes qui devraient lui révéler, des professeurs qui devraient lui révéler la vérité de l'art, la vérité des œuvres d'art, et elle s'aperçoit que tout cela ne produit que de l'hypocrisie, du mensonge. Et Six Feet Under a une puissance incomparable parce qu'elle nous montre, en plongeant dans la vie quotidienne, dans la vie intime et dans la vie des affects, que les grandes vérités, des grandes vérités artistiques, des grandes vérités religieuses ou des grandes vérités du savoir, ont des effets mesquins sur notre vie intime. On repartira là-dessus d'ici quelques minutes, Tristan Garcia, juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec vous aujourd'hui, Alexis Broca du Nouveau magazine littéraire. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Avant Christophe. De vous entendre parler oui. du numéro actuellement en kiosque, on aimerait tout de même savoir ce que vous pensez de Six Feet Under, série que j'en suis sûr, vous avez regardé. En effet, j'en pense beaucoup de bien. Je l'ai regardé à l'époque. À l'époque, je me souviens, j'avais été frappé par la façon dont la série représentait la mort. En fait, j'avais le sentiment qu'au cinéma, comme dans les séries, la mort était montrée très rapidement, que les personnages qui mouraient étaient presque des silhouettes en carton et leur mort passait dans l'action et disparaissait. Et là, tout à coup, apparaissaient des morts auxquels on s'intéressait après leur décès. Mmh. On en prenait soin. Oui, parce qu'en fait, on les connaît pas tellement de leur vivant, puisqu'ils meurent dans la première minute ou la deuxième. On les connaît un tout petit peu de leur vivant, juste assez justement pour s'émouvoir ensuite du bon traitement qui leur sera appliqué. Il y a quelque chose qui me semblait préfigurer ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique du care ou de quelque chose comme ça. C'est un mot d'ailleurs, le care, qui est dans le livre de Tristan Garcia. Vous êtes donc tout à fait d'accord l'un et l'autre. D'accord. Alors qu'y a-t-il dans le nouveau magazine littéraire? Je crois que vous vous intéressez à l'homme et l'animal. Voilà, alors plus largement on s'intéresse à l'homme et le vivant. En fait, on a consacré un dossier à un mouvement qui concerne toute la société et qui s'intéresse à ce mouvement qui porte sur le regard que nous jetons sur le vivant, c'est-à-dire à la fois sur les animaux et les végétaux, un regard qui est en train d'évoluer. En effet, on a longtemps perçu le vivant comme une mer d'organismes à la fois inépuisable et toujours recommencée, une sorte de buffet à volonté pour les super prédateurs que nous sommes. Et puis nous considérions ces organismes comme des machines biologiques. Bon, elles étaient trop sophistiquées pour qu'on puisse les reproduire, mais c'était des machines tout de même. Elles étaient prévisibles et démontables dans notre vision. Et puis évidemment, nous postulions une différence d'ordre métaphysique entre ces machines et nous. Voilà, une différence cartésienne dont découlait ce que nous estimions être les propres de l'homme, la capacité de rire, de boire sans soif et de faire l'amour en tout temps, pour reprendre Voltaire. Et voilà, bien que tout est remis en cause. Ces animaux que nous pensions comme des mécaniques, nous nous apercevons qu'à l'intérieur de chaque espèce, eh bien, il y a des individus qui ont leur caractère. Nous pensions que la conscience de soi était notre propre. Et lorsqu'on soumet des corbeaux, des cétacés, des singes anthropoïdes aux tests du miroir, eh bien, ils donnent des indices d'une conscience de soi. Nous pensions être les seuls à avoir une culture, et les seuls à manipuler des outils. Et là encore, on s'aperçoit que non. Et bref, tout cela tend à justifier la formidable idée darwinienne selon laquelle la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, est certainement une différence de degré et non de nature. Mmh. Et ça, cette idée, en fait, qui se fonde sur la biologie, elle est en train de gagner du terrain. Elle installe ces mots comme de petites places fortes au centre du débat. L'antispécisme, qui n'est pas, comme le pensent les détracteurs, un refus de croire en l'existence d'espèces différentes, ce qui serait un non-sens biologique, mais plutôt un refus de prendre l'appartenance d'un être à une autre espèce comme une licence pour lui infliger tout ce qui nous passe par la tête. Il y a aussi le mot véganisme, la sentience qui décrit la capacité des animaux à éprouver, notamment la douleur. Bref, c'est donc tout cela que vous retraduisez magazine littéraire. On a demandé à tous ceux qui, par leurs textes ou leurs actions militantes, ont amené ces questions au centre du débat, d'intervenir dans le dossier. On a un grand entretien avec Corinne Peluchon, qui est cette philosophe qui nous propose littéralement de nous sauver en sauvant le vivant. On a une tribune de Florence Burga, qui est directrice de recherche à l'INRA. On a un papier passionnant du chercheur Emmanuel Ecoccia sur toutes les découvertes qui ont été faites récemment sur les arbres et notamment leur façon de communiquer. Et au bout de tous ces travaux, toutes ces recherches, eh bien, il y a un but politique. Le but politique, c'est de construire un avenir qui ne serait pas une tentative de recréation artificielle de l'Éden biblique, mais bien une cité nouvelle où toutes les catégories de vivants seraient respectées, où l'humanité se développerait en les prenant en compte et nous reconnaîtrions avec les autres habitants de cette planète une communauté de destin. Faute de quoi, eh bien, nous avons beaucoup de chances de périr ensemble. Voilà. Merci beaucoup Alexis Broca. Tout cela est donc à retrouver dans le nouveau magazine littéraire en kiosque dès à présent. À très bientôt. Et c'est la suite de la Compagnie des auteurs. Vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons toujours de la série Six Feet Under avec l'écrivain et philosophe Tristan Garcia qui a consacré un livre à cette œuvre télévisée. Ce livre, il s'appelle Nos vies sans destin et il est publié aux presses universitaires de France. Nathaniel Fisher. Nathaniel, it's Ruth. Did you take your blood pressure medication today? Yes. Don't lie to me. I took it. What do you want me to do, OD on it? Oh, and I just realized we don't have any of that soy stuff Nate drinks. You know, since he gave up milk. I don't know what it's called. Why not just cut some milk with tap water? You'll never know the difference. Oh, look, if you don't want to go, I'll go. It's not as if I don't have enough to do already. I'm kidding. I'll get some. But it has to be after I pick up Nate. At the airport, I'm already running late. Nathaniel, are you smoking? Nathaniel? Yes, you are. Tu es en train de fumer? Non. Si, j'en suis certaine. Je l'ai entendu. Non, je t'assure que non. Écoute, mis à part le fait que tu te fabriques un cancer et que tu auras une mort lente et horrible, tu ne devrais pas empester cette limousine toute neuve. Je t'avais dit de l'empêcher de la prendre. Ah, tu crois que c'est facile de l'en empêcher? Il est aussi fier de son engin que ton idiot de frère l'était de la moto qu'il avait à l'école. Et qui est-ce qui a toujours une broche dans le pied? Nathaniel? La plupart des gens aiment que tout soit joli lors des funérailles. Ils ne veulent pas voir les êtres qui leur sont chers dans un cendrier ambulant. Ouais, d'accord, écoute. J'arrête pas de penser à toi. C'est promis. Ok, alors à ce soir. Ça, c'était donc la toute première scène du tout premier épisode de la première saison. Tristan Garcia, la mort de Nathanaël Père, il meurt percuté par un bus en voiture. à la veille de Noël en l'an 2000, mais ironiquement, il meurt finalement de la cigarette, hein, parce que c'est en cherchant à en allumer une que finalement il ne fait plus attention à la route. Il y a toujours beaucoup d'ironie dans ces pré-génériques où on voit chaque fois quelqu'un mourir de manière très inattendue. Oui, surtout au début de la série, les morts sont ironiques. Il y a toute une tradition que reprennent les pré-génériques en fait de la série, où avant le générique, on voit une mort, comme vous l'avez dit, qui, en général, hein, là c'est la mort de celui qui devrait être le personnage principal ou le patriarche de la famille, mais sinon, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Et ça reprend toute une tradition qui remonte à Montaigne. Il y a un chapitre des Essais dans lequel Montaigne décrit tout un tas de morts absurdes, comme la mort de ce philosophe qui avait reçu une tortue qui s'était échappé des serres d'un aigle qui lui était tombé sur la tête et qui était mort à cause de cette tortue. Et il y a quasiment une relecture, par exemple, de cela dans la série avec, si je me souviens bien, une mort où je crois un personnage reçoit un bloc d'urine congelée qui est tombé d'un avion qu'il reçoit sur la tête. Et donc il y a toute cette mort ironique qui arrive alors qu'on essaye de faire en sorte de vivre le plus longtemps possible, d'arrêter la cigarette. Pour la mort arrive toujours par un autre côté. Qu'on ne sait jamais de quoi on va mourir et que c'est pour ça qu'il faut vivre sans doute différemment. Oui, c'est l'espèce de contingence absolue de la mort. Mais il me semble que la série est plus complexe que ça, parce que s'il y avait juste cette leçon, ça serait un peu plat. Ce qui est là aussi beau dans la série, c'est qu'elle évolue, elle est vivante. Et au fil des 5 saisons, ce sont comme des cercles concentriques où au début les morts sont lointaines et ironiques. Et puis petit à petit, je sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de la saison 3 par exemple, on commence à voir la mort de personnages qu'on a déjà entrevus. L'oncle ou la tante par exemple d'un personnage qui est déjà apparu. Puis dans la saison 4, ça se rapproche, ce sont des personnages avec lesquels on a vécu. Il y a la disparition de Lisa hein, par exemple, qui a été la femme pendant qui a un enfant saison, avec ouais. Nate. Donc ce sont petit à petit des personnages avec lesquels on a passé du temps. Et là, comme dans une sorte de fonction inverse, l'ironie diminue et le tragique et l'émotion l'emporte. Jusqu'à la fin, hein, le dernier de tous ces cercles concentriques, tout au cœur de la série, c'est le dernier épisode. Et donc on part, même si on est parti du père, le père on ne le connaissait pas, on l'a découvert quelques minutes avant, on part de personnages qu'on a croisés pendant quelques minutes, et on arrive à des personnages avec lesquels on a vécu 5 ans, et avec on a l'impression d'avoir été proches, qui font partie de la famille. Et il me semble que là, il y a quelque chose de très beau qui restitue ce sentiment qu'on a dans la vie, d'abord enfant, à moins d'un désastre, d'expérimenter la mort comme lointaine. La mort arrive au loin pour des gens qu'on ne connaît pas encore. Et puis on voit, on entend la mort se rapprocher, un cercle concentrique. Elle se rapproche des nôtres petit à petit. Et à la fin, la dernière des morts est toujours la nôtre. Et la dernière des morts de Six Feet Under, c'est la mort de la série elle-même. Vous avez cité Montaigne. On pourrait citer d'autres philosophes, parce que pour vous, c'est évidemment naturel de penser en philosophe quand vous voyez cette série. Hegel, par exemple. Oui, ou Sartre, dans le débat entre Heidegger et Sartre. Est-ce que la mort est nécessaire? Donc, du côté d'Heidegger, la mort est nécessaire. L'être pour la mort de l'homme fait que la mort transforme la vie en destin parce qu'elle est le sens et l'horizon de la finitude de la vie humaine. Et contre ça, il y a l'idée que Sartre a toujours opposé à Heidegger à partir de L'être et le néant, suivant laquelle la mort ne pouvait pas être nécessaire parce qu'elle était toujours contingente. Elle aurait pu ne pas être. Le problème de la mort, c'est que même si on transforme la mort en projet, dit Sartre, le suicide, la mort telle qu'elle nous arrive n'est pas la mort qui a été souhaitée. Il y a toujours un décalage entre ce que je projette, la mort que je veux, la mort que j'attends, et la mort qui arrive. Et si j'essaye de me mettre en face de la mort viendra toujours de côté. Et il y a ça très clairement dans la série, dans tous les pré-génériques, il y a très fréquemment des personnages qui essayent d'attendre la mort, qui essayent de regarder la mort en face, et la mort les surprend par le col, par derrière ou de biais. Donc avant la chronique d'Alexis Broca, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 3 façons, un petit peu pour les personnages de Six Feet Under, de trouver du sens dans leur vie, le savoir avec Brenda, l'art avec Claire, et la troisième possibilité de transcendance, c'est évidemment le religieux. Pourtant, ils ne sont pas tellement religieux, ces personnages-là. Non, les Fisher ne sont pas pratiquants, à part David, qui au parce début, qu'il veut surtout s'intégrer, justement, pratique la religion, mais la religion au sens strict, comme moyen de se lier aux autres, hein, la religion en son sens propre. Là aussi, il me semble que c'est une série qui a un pied encore dans le XXe siècle, parce que ce qui intéresse la série, c'est pas la religion, c'est la religiosité. C'est-à-dire, c'est la forme de la croyance, mais d'une sorte de croyance qui n'est plus celle du retour du religieux du XXIe siècle. C'est une sorte de croyance privée, intime, de foi sans objet, qui ne s'impose pas aux autres, etc. Qui est très très moderne encore aujourd'hui. Je suis pas sûr. Là, il me semble, en revoyant la série, que on a l'impression de voir encore une série qui a un écho maintenant d'un XXe siècle où on a cru à la fois dans la laïcisation du monde, dans l'idée que la religion allait être de moins en moins importante et que ce qui restait, c'était au cœur des individus, une sorte de foi devant la mort. Par exemple, un des grands manques de la série, c'est que presque toutes les fois sont représentées. Il y a un bouddhiste, il y a évidemment la foi chrétienne, il y a le personnage de la rabbine qui est juif, il y a aussi un chef de secte qui meurt à un moment, les Fischer sont obligés de gérer, c'est assez drôle, toute une secte. Il n'y a pas de musulmans. Aujourd'hui, si on refaisait Six Feet Under, il y aurait forcément l'islam. Oui, ça manque évidemment. Et là, par contre, on voit la particularité de la série, une sorte d'îlot californien qui n'est pas aussi multiculturaliste qu'il prétend l'être. Il y a quand même une explication, c'est que le créateur de la série, Alan Ball, à peu près en même temps que la série, a réalisé un film sur une jeune fille musulmane. Et j'ai toujours pensé qu'il avait retiré de la série l'islam et qu'il l'avait mis dans son film qui malheureusement est totalement raté du début des années 2000. Alors on a entendu tout à l'heure l'accident tragique du père Nathanael qui meurt donc dans les premières minutes du premier épisode de la première saison. C'est tout de même en termes narratifs assez osé que de faire mourir le personnage principal au premier épisode. Je crois que c'était Hitchcock qui disait quelque chose à ce sujet-là. Finalement, la meilleure manière de faire une bonne narration, c'est de tuer d'abord le personnage principal. On est là-dedans, vous croyez? Encore dans Psychose, ça dure plus longtemps. Ça doit durer un quart d'heure avant sa mort. Il y a quand même un sens profond. C'est pas juste un twist ou un artifice narratif dans la série. La série commence quand le père est mort. Et je crois que ça dit le fait que la série essaye de se représenter une vie familiale sans patriarcat, sans le patriarche. La condition de possibilité de la série, c'est que le patriarche, qui a ses qualités et ses défauts, Nathaniel Senior, n'est plus là. Donc il n'y a plus l'autorité du père. Il n'est plus là tout en étant un peu là. Il est fantomatique. Sous il est une forme fantomatique. Il reste effectivement le spectre du père, mais le père est mort. Et on ne peut pas imaginer la série avec le père. Ça n'a pas de sens. Si le père est là, le fils ne revient pas. Nate ne revient pas. Si le père est là, David ne peut pas exprimer son homosexualité, la mère ne peut pas vivre sa sexualité, etc. Donc tout ce qui est réprimé par l'existence d'un père et de l'ordre et de l'autorité du père peut émerger grâce à la mort du père et fait la série. C'est-à-dire des personnages de classe moyenne, de bonne volonté, qui essayent de vivre après la mort du patriarcat. Et donc ce fantôme qui revient quand même assez souvent, parce que c'est un personnage auquel on pense en tant que spectateur, et parce que les personnages y pensent aussi très souvent. Il y a beaucoup de fantômes d'ailleurs dans Six Feet Under, Tristan Garcia. Oui, c'est des fantômes qui sont magnifiques, ils sont traités comme dans très peu d'autres œuvres d'art. Je trouve que c'est presque une des plus belles œuvres de fantômes, avec peut-être le Mrs. Muir, le film classique hollywoodien. Les fantômes ont un statut très étrange dans la série, puisque ils existent, les personnages discutent avec eux, mais ils existent pour un personnage seulement. Par exemple, on a ces scènes très troublantes où, descendant dans le sous-sol, les deux frères, David et Nate, on embaume donc les cadavres. Oui, de l'entreprise familiale Fischer. Et David est par exemple en train de discuter avec le père, mais le père, tel qu'il existe pour David, continue sa conversation avec David, mais n'existe pas pour l'autre frère. Pour l'autre frère, il y a un autre père, il y a un autre fantôme. Donc la série n'arrête pas de dire les fantômes existent réellement, c'est l'existence concrète de l'ensemble des souvenirs d'une personne, mais enfermé dans l'esprit de chacun. Il n'y a pas de fantôme collectif. C'est ça qui est très émouvant, je trouve, dans la série. Il y a des fantômes, mais le fantôme est enfermé dans la conscience de chaque personnage. Et ces fantômes, ce ne sont pas des fantômes de roman gothique. Ils sont bien rasés, ils sont propres, ils sont souriants. C'est peut-être parce que, avant d'être des fantômes, ils ont été des cadavres bien préparés par des gens comme les croque-morts, comme ceux de la famille Fischer. Hey, mon petit pote. Allez, viens, entre. Approche-toi. Dis bonjour à Monsieur Blomberg. Tu n'as rien à craindre, Nat. Monsieur Blomberg est mort. Je le prépare pour que sa famille le voie une dernière fois et lui dise au revoir. D'accord. Ce sera moins dur pour eux. Voilà ce que fait papa. Ah, toi aussi, tu viens voir papa. Ah, ah, je suis mort. Ah. Tu vas devoir mettre mes gants si tu veux le toucher. Et ça ne lui fera ni chaud ni froid. Ça lui est égal. Tiens. Une scène durant laquelle Nate, enfant, découvre auprès de son père le métier de croque-mort. Et c'est vrai, vous avez commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, Tristan Garcia, le travail est tout à fait un personnage de Six Feet Under. Et ce n'est pas n'importe quel travail que celui d'embaumer les morts, de les convoyer de l'endroit où ils sont morts jusqu'à la salle des pompes funèbres. Alors parfois ils sont trop gros, parfois ils tombent de la table. Enfin, c'est en effet tout un travail qu'on voit à l'œuvre. Oui, au sens strict, ce que font les personnages, c'est de la thanatopraxie. Et la série est extrêmement bien renseignée là-dessus. Hein. Ça vient d'un travail de documentation sur les différentes techniques appliquées à l'époque, qui sont pour la plupart aujourd'hui encore valables, par lesquelles ils nettoient, rendent présentable le mort, celui qui est décédé, afin de le présenter à la famille. C'est à la fois un travail, c'est un travail sale, on le voit, mais qui consiste à essayer de rendre la mort, de rendre au mort un aspect sociable. De faire en sorte, hein, c'est leur problème toujours, que le mort puisse être vu par ceux qui sont encore vivants sans choquer. Ouais. Ceux qui ont été défigurés, écrasés, des enfants, etc. C'est un problème récurrent de la série. Comment rendre la mort présentable ? En cercueil ouvert, c'est ça tout l'enjeu de beaucoup de morts par accident dans la série. Oui, ça rappelle plusieurs idées issues des sciences sociales. Par exemple, on pourrait appliquer l'idée qu'on trouve chez Elias, par exemple, hein, selon laquelle une part de la société est fondée sur le fait de garder la face. Mais ici, la tordre un peu, le problème des Fisher, c'est de faire en sorte que les morts gardent la face. Mmh. Et c'est un problème concret. C'est-à-dire, elles essayent de faire en sorte que les morts aient encore un visage présentable avant de partir vers l'oubli, avant d'être englouti par ce qui est toujours figuré, donc par l'écran blanc, hein, avant de partir totalement et d'aller sous terre, d'aller 6 pieds sous terre. Donc c'est un travail pratique, c'est un travail sale, et en même temps c'est un travail social. C'est un travail pour faire en sorte qu'une dernière fois, le mort appartienne à la société, qu'il ait une face. Il y a tout aussi un ensemble de phénomènes dans la série qui rappellent beaucoup de travaux d'historiens qui, sans doute de manière indirecte, mais ont influencé la série. En France, on pense par exemple aux travaux de Philippe Ariès sur la mort, qui longtemps ont été classiques, hein, la mort en Occident, qui ont essayé de montrer comment on est passé d'une mort qui, par exemple, en Europe occidentale, au Moyen-Âge, était accessible aux enfants. Hein. Les enfants venaient dans la chambre des morts au XIe ou XIIe siècle, voyaient les morts, parfois des morts qui étaient défigurés par la maladie, hein, assistés au dernier sacrement, à un éloignement tendanciel de la mort dans la société moderne. Il y a toute l'idée, vous voyez, d'une sorte de neutralisation, d'une mort aseptisée, d'une mort clinique, d'une mort qu'on ne veut plus voir, d'une mort qu'on essaye de rendre blanche, d'une mort, du fait qu'on ne meurt plus à la maison, mais qu'on meurt à l'hôpital, du fait que les enfants n'assistent plus à la mort, que les cimetières sont sortis des villes, alors que les cimetières étaient churchyard, hein, à côté de l'église, et étaient au centre de la vie, hein, comme encore au Mexique, par exemple, etc. Et donc, il me semble que la série est imprégnée de cette idée suivant laquelle la modernité, ça a été en partie l'éloignement social de la mort. Alors que là, la mort, elle n'est pas éloignée pour la famille Fisher, puisque les morts, ils sont dans la chambre froide qui est dans la cave de cette maison où tous vivent. Ils vivent tous ensemble là. Et c'est ça qui est très fort et très malin dans la série, c'est qu'on pourrait penser que c'est anecdotique. On va prendre une famille qui fait de la thanatopraxie, donc des croque-morts, et on va s'intéresser à cette famille, mais on aurait pu s'intéresser à un boulanger ou à un avocat. Non. Parce qu'en fait, la série pense que le point aveugle de la modernité, c'est l'invisibilisation de la mort. L'invisibilisation de la mort et des morts. Le fait qu'on ne veut plus la voir et qu'on veut une société uniquement de vivants. Et que, au fond, la modernité et le libéralisme, c'est une société qui organise les vivants, mais qui est incapable de faire rentrer encore dans le monde social, d'établir une connexion avec les morts. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de foi ou de religion, donc on ne sait pas. ne sait pas où sont les morts, on ne sait pas ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont jugés, est-ce qu'ils vont dans un autre monde. Et ensuite, parce qu'il y a une idée de la propreté, de l'hygiène, qui fait qu'on ne veut pas être avec des cadavres. Et ce qui est fort dans la série, c'est qu'on a affaire à la famille, dans cette société moderne, qui, elle, est en contact avec la mort et les morts quotidiennement. Et la famille Claire, la fille Claire, elle conduit, c'est sa voiture, oui. Le corbillard. Elle va au lycée. Avec le corbillard familial. Avec le corbillard. Votre épisode préféré, il nous reste juste quelques secondes, Tristan Garcia. L'épisode le plus marquant de la série, c'est pas mon préféré parce qu'il est très douloureux, il est très dur à voir, mais c'est celui qui s'appelle That's My Dog, en saison 4, au cours de laquelle toute la violence qui est justement évacuée de la série, qui est une série classe moyenne, feutrée, revient soudainement, vous réapparaît dans la face, parce que David est agressé. Il est pris en stop, hein. Il prend en stop un homme un peu déséquilibré, qui drogué, et qui va l'agresser pendant près de 40 minutes. L'épisode, et vous en faites un long développement dans votre livre. J'y renvoie les auditeurs. Merci beaucoup, Tristan Garcia. Demain, ce sera le dernier épisode de cette semaine consacrée aux grandes séries télévisées américaines. Nous effectuerons la jonction entre Les Sopranos et Six Feet Under grâce à Sarah Atuel et à Jean-Pierre Eskenazi qui nous parleront des thématiques du rêve et du temps dans ces deux œuvres-là. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le moment de retrouver la poésie. Et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. Katia Boutsoueva est d'origine russe, elle écrit en français. Équiper les anges et dormir, dormir. Du fond de son sommeil remontent les vieux rêves, les archanges de l'armée rouge. À quoi nous servent les légendes sur le Dieu? Nous ne sommes pas saints, toi et moi. Nos dieux sont tous ces chemins qui mènent au dernier combat. Ça, en exergue la bande originale du film soviétique pour les enfants et adolescents, Oiseau de bronze, le poème. Les archanges de l'armée rouge parlent, parlent la bouche pleine. Darling, darling, tu m'aimes encore, tes bottes dans la cuisine traînent. Viens le rouge, viens l'étrange, dans les jardins explosent les chrysanthèmes, ne crache pas dans la crème, fraîche mange. C'est déjà demain, ni patate ni pain, nage dans la trouble pisse, chevaux et trains, merveilleux lointains, ralentissent, ralentissent. Ralentissent. Le crade aime le propre aime le crade. De mille façons. La place. Parade sur un beefsteak saignant, et toi devant, en salopette, petit garçon. Le grand-père paysan en a plein le cul, une en colcose, un en prison, une dans une fosse, et la cadette, celle qui a survécu, prépare la soupe aux écussons et épaulettes. Soleil, oreille, Satan, une crêpe à s'étouffer avec. Ennemi du peuple, descends que je te lise. À l'horizon énorme, espion couchant, rigole, rigole, rigole, ironise. Les suicides du mois d'août seront les accouchements au mois d'avril. J'aurais aimé vous dévoiler ma chrysalide, mais ma montagne est sous l'écoute. Dans le vomi du matin, avant que ne se lèvent les envoyés du dieu terrible, Pépé descend tourner l'hiver à vide. Crève le moteur, achève le film. La chose ivre et humide, horrible, voit un rêve. Autre poème, mon œil. Mon œil n'est pas encore rentré de ton voyage. Ne rentre toujours pas, ne sert à rien, se ferme tout seul. En d'autres termes, dégage, dégage avec tes vieux alcools. Il sait, il voit, il se fait un beau programme et colle aux fesses de belles dames. 9 grammes. Il y a de quoi se tirer un œil. La vie rembobinée descend au fond de la tasse. Mon sucre, sois heureux, l'accueil est fait avec cul sec. La vie est remise à sa place. Le manque, la tombe et le totem s'allument. Ça va encore, ça vit, ça sème. La bouche avec son cri, les yeux avec leur clin. Les deux premiers sont là. C'est le troisième. Village sympa. Atroce royaume, en être flic, en être fou, en être veuf, et la fumée et la rivière empoisonnée, c'est pour ma pomme, mon œil, mon litchi, mon œuf, nuit, terminus, et hop, rebelote, crevez, mais revenez à la maison, ceux qui n'ont pas applaudi l'autre jour, le pilote, avaient peut-être leur raison, les pays de merde, de fous, de soleil, de lune, défilent par l'ordre alphabétique sur le tableau, passagers fanatiques, détachent ses explosifs et boivent de l'eau, y a rien de bon en haut, attends, c'est par ici, en vie, origami, aurore, le temps tournant autour du pot pendant que ne vient pas celui qui ne dort pas et vient celui qui dort. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Katia Bouchoueva.